Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Marguerite Gatteau, bonjour. Vous êtes réalisatrice et c'est à vous qu'Alain Truta, qui dirigeait les dramatiques radiophoniques à l'époque, avait confié en 1988 et 1989 la collection Lecture d'enfance, première lecture, une collection qui était d'une certaine manière qui inaugurait les programmes pour autour de la jeunesse, disons, sur France Culture. C'est une collection que nous allons redécouvrir tout cet été. Alors, pourquoi vous êtes-vous retrouvée avec cette jolie proposition d'Alain Truta? Alors c'était l'été, je pense, 88 sans doute, et il se trouve que cet été-là, au mois d'août, alors que d'habitude il y avait peu de moyens, d'un coup on a eu un afflux de moyens techniques, et donc il fallait les utiliser pour les fictions. Et Alain Truta a eu cette idée de me proposer donc de faire une demi-heure pour les enfants, en invitant un acteur ou une actrice, et en leur demandant de parler et lire aussi le premier texte qui les avait marqués quand ils étaient tout petits, leur premier texte d'enfance. Et donc on avait conçu dès le départ ça comme ça, avec une partie interview, une partie lecture de texte. Moi, j'avais tout de suite dit que je savais pas ce que ça voulait dire travailler pour les enfants, que pour moi déjà le concept me semblait quand même vraiment tout public plutôt, et que de toute façon je voyais pas pourquoi je ferais spécifiquement quelque chose pour les enfants. Les enfants étaient tout aussi capables d'écouter que les adultes, et inversement. Et donc voilà, donc j'ai commencé cet été-là, l'été 88, et j'avais le choix. D'ailleurs, il m'a laissé le libre choix absolu des gens que j'invitais. Alors, comment j'ai choisi ça, je ne saurais pas dire. Si, je crois que déjà, il y avait des gens que j'avais envie de rencontrer. Il y a beaucoup de gens sur cette liste avec lesquels j'étais une jeune réalisatrice. Hein. J'étais réalisatrice depuis 2 ans. Donc, il y avait beaucoup de gens avec lesquels j'avais jamais travaillé et que j'avais envie de rencontrer. Donc, je les invitais. C'est le cas, par exemple, de Juliette Berthaud. J'avais jamais travaillé avec elle. Ou c'était le cas aussi d'Emmanuel Riva, par exemple. Il y en avait d'autres que je connaissais, comme Bernard Pierre Donadieu, que j'avais embauché sur un feuilleton à l'époque. Mais pour la plupart, c'était des comédiens avec lesquels je n'avais jamais travaillé. Alain Truta tenait beaucoup à l'époque à ce que la jeunesse, ou en tout cas que quelque chose soit transmis à des jeunes gens. Et cette collection, je trouve, en la réécoutant, a ce mérite de s'adresser, en fait, finalement, comme vous le souhaitiez, à tout le monde, à nous, adultes, et peut-être à emmener nos enfants à découvrir des textes à travers, finalement, le plaisir de transmettre. Parce que c'est ça, cette collection, finalement, c'est comment on pourrait partager tous nos souvenirs de lecture. Oui, alors, en effet, c'était ça répondait plus à une nostalgie des adultes, en fait, sur leur propre enfance et sur les livres qu'ils avaient lus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça marque quand même une époque. C'est-à-dire que là, les gens qui sont venus, c'était, je sais pas quel âge ils pouvaient avoir à l'époque. C'était des gens qui devaient avoir entre les plus jeunes devaient avoir 25 ans et les plus âgés, par exemple, Hivernel était déjà très âgé. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Jean-Marie Prolier aussi, qui est mort assez peu de temps, finalement, après, il me semble. Donc, il y avait des vieux acteurs, ou François Perrier, voilà. Et donc ça, leurs choix sont quand même des choix d'une époque. Je pense qu'aujourd'hui, on choisirait pas les mêmes livres. Enfin, c'est les acteurs. Donc, ça marque, oui, ça indique les lectures d'enfance d'IA. Il faut remonter 30 ans avant 83, quoi, au moins. Donc des années 40 ou 50, en fait. Et on s'aperçoit en les écoutant que la lecture est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que... Enfin, tous racontent à quel point ils se battaient, même pour lire, en fait. On parle toujours de la lampe de poche. Ils ont tous une petite lampe de poche sous les draps pour lire le soir. Oui, c'est pas pour rien qu'on a pris des acteurs. C'est quand même des gens qui ont un lien avec les textes. C'était une époque où lire, où les enfants lisaient facilement. Mais je crois qu'ils lisent encore aujourd'hui facilement. Quand on regarde, les petits-enfants lisent beaucoup. La lecture se perd plus tard, en fait. Mais les enfants, tout petits, à l'école, ils lisent, à la maison, on leur lit des histoires, ils aiment toujours ça. Ça ne s'est pas perdu. Je pense que maintenant, on interviewe des jeunes comédiens, ils auraient aussi des premières lectures à raconter, de la même façon qu'à l'époque. Et alors, cette collection, première lecture, lecture d'enfance, finalement, c'est la toute première, c'est l'ancêtre, en fait, de cette collection qui a eu beaucoup de succès ensuite sur France Culture, qui s'appelait Les histoires du pince-oreille, si je me souviens bien. Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Je crois que ça avait pas mal de succès, en fait, cette émission. Et donc, Alain Truta voulait poursuivre, mais moi, je voulais plus, parce que j'en avais marre de passer mon temps à lire des livres pour enfants. Et donc, j'ai arrêté. Et du coup, Étienne Vallès et Annie Eppleboin ont proposé à Alain Truta de faire une série de contes russes, en fait. Et donc, ils ont appelé ça « Les oreilles magiques ». Et c'est venu, en fait, à la place de ces lectures d'enfance, donc le samedi matin, et ça a duré une demi-heure. Et c'est ainsi qu'en fait, cette case a été dédiée à l'enfance. Ensuite, ça a été remplacé. Ensuite, Alain Truta s'est dit, il faut vraiment que je développe ce secteur de l'enfance, des jeunes auditeurs. Et donc, il a embauché, à ce moment-là, Nelly Lenormand, pour coordonner l'ensemble des commandes aux auteurs. Et ça a donné les extraordinaires... Histoire du pince-oreille, ensuite. Qui était un lieu d'imagination, avec ce petit générique qui était toujours dit par Jane Birkin. Oui, et surtout aussi de création, parce que les histoires du pince-oreille, après, et puis déjà d'ailleurs les oreilles magiques, c'était des véritables petites fictions, alors que les lectures d'enfance, c'était entre l'entretien et puis la simple lecture du texte. C'était pas à proprement parler des fictions. Nous allons ouvrir cette collection avec Jean-Michel Dupuis, qui nous parle de la guerre des boutons. Vous avez un petit souvenir sur Jean-Michel Dupuis ? Non, alors j'avais travaillé avec Jean-Michel Dupuis déjà, et je savais que c'était un excellent lecteur. Mais j'ai été très surprise par ce qu'il m'a raconté. J'ai découvert des choses, en fait, sur chacun d'eux. Et en particulier, les origines très paysannes et très normandes de Jean-Michel Dupuis. Ça m'a beaucoup touchée. Merci Marguerite Gâteau. Alors, on ouvre cette collection d'été avec vous et on tourne les pages des livres et on entre dans les lectures d'enfance. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Jean-Michel Dupuis lit « La guerre des boutons » de Louis Pergaud. Jean-Michel Dupuis, tu as choisi de lire La guerre des boutons. Pour tout le monde, La guerre des moutons, c'est un souvenir drôle. Et pour toi, c'est un souvenir d'émotion. Ah, c'est même plus que ça. Enfin, je l'ai lu vers 10-11 ans. Et j'ai toujours gardé une impression de grande mélancolie. Et très curieusement, après, le temps passant, je me suis aperçu que les choses les plus paillardes, les plus fortement vivantes étaient les plus désespérées, souvent. Il y avait... c'est une réflexion d'ordre général. Et plus particulièrement, ça me touchait parce que j'ai un peu vécu, moi, cette enfance-là. J'étais à la campagne, fils instituteur de la campagne. Et j'ai un peu connu, effectivement, les cabanes dans les bois, les petits paysans qui venaient avec des blouses de toile grise. Ça se perdait un peu à l'époque, mais enfin, c'était les blouses en nylon. C'était un peu ce climat-là. Et à la fin du livre, je me souviens de ces sensations tout môme. Il y avait comme une profonde tristesse. J'avais comme déjà l'intuition que ce livre, c'était une espèce de dommage un peu mélancolique à l'enfance. Et à l'enfance irrémédiablement passée, perdue. Enfin, il y a quelque chose de très très pathétique. Enfin, je la raconte mal là, mais ça. Maintenant, adulte, je vis comme une tragédie, souriante. Mais déjà enfant, à la toute fin du livre, cette phrase incroyable à la fin, ça m'empoignait. Enfin, il y avait une espèce de profonde nostalgie poignante. Et ça m'a poursuivi tout le temps. Et je m'y reconnaissais, cette solitude des enfants, le secret des âmes infantines, enfin, le fait que... Et déjà ce savoir incroyable qu'on a tout enfant, que on va passer peut-être 10 ans de notre vie magnifique et ces 10 ans seront perdus à jamais. Et c'est peut-être pour ça que je suis devenu acteur. Au nom d'une enfance qu'il faut retrouver, au nom d'une enfance qu'on ne veut pas oublier. L'aîné des gibus, qu'on appelait par contraction grand gibus pour le distinguer de petit gibus ou tigibus, son cadet, parla ainsi. Voilà, quand nous sommes arrivés, mon frère et moi, au contour des Menelots, les vélerans se sont dressés tout d'un coup près de la marnière à Jean-Baptiste. Ils se sont mis à gueuler comme des veaux, à nous foutre des pierres, à nous montrer des tricks. Ils nous ont traités de cons, d'andouilles, de voleurs, de cochons, de pourris, de crevés, de merdeux, de couilles molles, de... Ils vous ont traité de couilles molles ? Scandale gros Camus. Visiblement choqués, blessés et furieux de cette appellation qui les atteignait tous, car les deux gibus, c'était sûr, n'avaient été attaqués et insultés que parce qu'ils appartenaient à la commune et à l'école des Longevernes. La crique réfléchissait. Couilles molles. Bon, des couilles, on sait bien ce que c'est, pardine, puisque tout le monde en a. Mais couilles molles. Bon, sûrement que ça veut dire qu'on n'aidait pas grand-chose, coupa Tigibus, puisqu'hier soir, en rigolant avec Narcisse, notre meunier, je l'ai appelé couilles molles, comme ça, pour voir. Et mon père, que j'avais pas vu, est passé justement, sans rien me dire, m'a foutu aussitôt une bonne paire de claques, alors. L'argument était péremptoire, et chacun le sentit. Alors, bon Dieu, y a pas à rebeuiller plus longtemps, y a qu'à se venger. Na! Conclut le Braque. Cette fois, on allait voir. Ce soir-là, une fougue indescriptible animait les Longevernes. Rien, nul souci, nulle perspective fâcheuse n'entravait leur enthousiasme. Les coups, les tricks, ça passe, ils s'en fichaient. Les yeux riaient, pétillants, vifs dans les faces épanouies par le rire. Les grosses joues rouges, rebondies comme de belles pommes, hurlaient la santé et la joie. Les bras, les jambes, les pieds, les épaules, les mains, le cou, la tête, tout remuait, tout vibrait, tout sautait en eux. Pendant un quart d'heure, le flot coutumier d'injures flua et reflua entre les deux camps. Cependant, la steak des gays poussa un sonore et rugissant « La mûrie vous crève !» Et Trick, brandi, bâton serré, s'élança dans la carrière, toute son armée avec lui. Le Braque n'hésita pas davantage. Il répliqua « Acculez Vélran !» Et les épieux, les sabres des Longevernes pointèrent encore une fois en avant leur estoc durci. Oh, Prussien, oh, salaud, triple cochon, douille de merde, bâtard de curé, enfant de putain, charognard, pourriture, civilité, calotin, sectaire, chacrevé, galeux, mélinard, combis, pouilleux. Telles furent quelques-unes des expressions qui s'entrecroisèrent avant l'abordage. On entendit des trics tomber sur des caboches, des lances et des sabres craquer, des coups de poing sonner sur les poitrines et des gifles qui claquaient et des sabots qui cassaient, des gorges qui hurlaient, pif, paf, pan, zoom, crac, zop, et l'on vit des rissements de chevelure, des armes cassées, des corps se nouer, des bras décrire de grands cercles pour retomber de tout leur élan et des poings projetés en avant comme des bielles et des gigataires se démenant, s'agitant, se trémoussant pour lancer des coups de tous côtés, de la tête, des pieds, des mains, des coudes, des genoux, des reins, des dents, cognant, ruant, sautant, giflant, tapant, boxant, mordant, le Braque se débattait terriblement, butant les uns, déchirant les autres, et borgnait celui-ci, giflait celui-là, en bosselait un troisième, et pan par-ci, et toc par-là, et zon sur un autre, le Braque, hérissé comme un marcassin, col déboutonné, nu-tête, la trique cassée, entrait comme un coin d'acier dans le groupe de l'Aztèque des gays, saisissant son ennemi à la gorge, le secouait comme un prunier malgré les nichées de Vélran suspendues à ses guêtres, et lui tirait les poils, le giflait, le calotait et le bosselait. Pendant ce temps, la victoire souriait aux Longevernes, tant et si bien que, lorsqu'on vit le général lui-même emporté, ce fut la débandade et la déroute chez les Vélerans. « Allez, grand Gibus, prends la verge et cingle. » Une petite séance avant le déculottage pour le mettre en vibrant, ce beau petit monsieur qui fait tant le malin, proféra le Braque. Et grand Gibus, consciencieusement, appliqua d'une baguette verte, flexible et lourde, 6 coups sifflants sur les fesses de l'Aztèque qui, sous son baillon, étouffait de colère et de douleur. Le Braque veilla à ne pas oublier un bouton ni une boutonnière. Il eut une joie au pantalon, l'Aztèque avait des bretelles à double patte et en bon état. Le tricot, le gilet, la blouse et la chemise furent à leur tour déchenillés méthodiquement. On trouva même, dans le gousset du mecton, un sou neuf qui alla dans la comptabilité de Tintin se caser au chapitre « Réserve en cas de malheur ». Alors l'Aztèque, vaincu, gonflé de rage et de désespoir, ivre de haine et de désir de vengeance, partit enfin la face ravagée, fit quelques pas, puis se laissa choir derrière un buisson comme pour pleurer à son aise, ou chercher quelque épine qui lui permisse de retenir son pantalon autour de ses reins. Une colère folle le dominait. Dissimulé derrière son buisson, il se déchaussa, c'était facile, mit ses bas en loques dans ses souliers veufs de lacets, retira son tricot et sa culotte, les roula ensemble autour de ses chaussures, mit ce rouleau dans sa blouse dont il fit un petit paquet noué aux 4 coins, et ne garda que sa courte chemise dont les pans frissonnaient au vent. Alors, saisissant son petit baluchon d'une main, de l'autre troussant entre deux doigts sa chemise, il se dressa d'un seul coup devant toute l'armée ennemie, et traitant ses vainqueurs de vaches, de cochons, de salauds et de lâches, il leur montra son cul d'un index vigoureux, puis se mit à fuir à toutes jambes dans le crépuscule tombant. Quand tu étais petit, tu étais comme ces petits garçons de la gare des Boutons qui se battaient, qui s'amusaient, qui jouaient dehors, ou tu étais un petit garçon qui était enfermé chez lui et qui lisait? Ah non, non, quand on est à la campagne, on est toujours dehors. Et je me souviens de construction de cabanes, je me souviens de... On était sans arrêt à l'air. Enfin, il n'y avait pas de... Et puis tous les copains, la plupart du temps des copains... Enfin, moi j'étais fils d'instituteur, donc déjà j'avais un petit statut à part. Mais tous les copains gardaient les vaches, allaient cueillir les pissenlits. Dans tous les moments libres, j'étais avec eux. L'enfance à l'air libre, l'enfance au milieu des arbres, des vaches, je sais pas. L'enfance à la campagne, ça peut se vivre que dehors, évidemment. Mais si tu étais fils d'instituteur, tu avais des livres chez toi. Mais curieusement, oui, moi j'ai commencé... La guerre des Boutons, je l'ai lu parce que mon père était un voltairien fou. Un stalinien de l'enseignement qui ne supportait pas que les enfants lisent les bandes dessinées. Alors, la guerre des Boutons m'a été permis parce que c'est quand même Pergaud, parce qu'il y avait quand même une écriture. Alors, je passais souvent à côté de bonheur d'expression ou d'écriture, parce qu'à l'époque, je m'intéressais plus aux anecdotes qu'autre chose. Donc, d'une certaine façon, ce choix de livre a été un peu guidé, et en même temps, c'était une révélation, comme quoi parfois là, des éducations un peu strictes et sévères sont pas si c'est absurde que ça. C'est intolérable, mais c'est pas si absurde. Qu'allait-il se passer dans la troupe de l'Aztec, rossée, meurtrie, pillée, abattue? Le braque, après tout, s'en fichait, et son armée aussi. On avait la victoire. Jamais, ça ne s'était vu depuis des temps et des temps, la tradition des hauts faits de guerre religieusement conservés et transmises ne signalait, la crique s'en portait garant, aucune de ces prises fabuleuses et de ces rossées fantastiques. Le braque pouvait se considérer comme le plus grand capitaine qui eût jamais commandé à Longeverne, et son armée comme la phalange la plus vaillante et la plus éprouvée. « À table ?» rugit le braque. « Eh bien, la coterie, on n'entend rien. À table, qu'on vous dit, amenez-vous, il n'y a plus d'amour, quoi, il n'y a plus moyen. » Et l'on se massa dans la cabane. « Que chacun s'asseye à sa place, » ordonna le chef, « on va partager. » « Les patates d'abord. Pour commencer par quelque chose de chaud, c'est mieux, c'est plus chic. C'est comme ça qu'on fait dans les grands dîners. » Et ce fut le tour des sardines. Pas un ne toucha à son morceau avant que tous ne fussent servis. Tigibus, comme il était convenu, eut la boîte avec l'huile, ainsi que quelques petits bouts de peau qui nageaient dedans. Il n'y en avait pas gros, mais c'était du bon, il fallait en jouir. Et tous flairaient, reniflaient, palpaient, léchaient le morceau qu'ils avaient sur leur pain, se félicitant de l'aubaine, se réjouissant au plaisir qu'ils allaient prendre à le mastiquer, s'attristant à penser que cela durait si peu de temps. Pas un ne se décidait à attaquer franchement. C'était si minime. Il fallait jouir, jouir. Et l'on jouissait par les yeux, par les mains, par le bout de la langue, par le nez surtout. Jusqu'au moment où Tigibus, qui pompait, torchait, épongeait son reste de sauce avec de la mie de pain fraîche, leur demanda ironiquement s'ils voulaient faire des reliques de leur poisson. Et l'on mangea lentement, sans pain, par petites portions égales, épuisant le suc, pompant par chaque papille, arrêtant au passage le morceau délayé, noyé, submergé dans un flux de salive pour le ramener encore sous la langue, le remastiquer à nouveau. Et ne le laissait filer enfin qu'à regret. Et maintenant, à la nôtre, mes vieux, et à cul les Vélerans. Le braque, en connaisseur, agitait son litre d'eau de vie où des bulles d'air se formaient qui venaient s'épanouir et crever en couronne au goulot. C'est de la bonne, affirma-t-il. Elle a de la religion, elle fait le chapelet. Attention, je vais passer que personne ne bouge. Et lentement, il partagea entre les 45 convives le litre d'alcool. On porta alors de nouveaux toasts plus verts, plus violents que jamais. Ensuite, on trempa les morceaux de sucre et on pompa le liquide à petits coups. Vint Dieu qu'elle était forte. Les petits en éternuaient, toussaient, crachaient, devenaient rouges, violets, cramoisis. Mais pas un ne voulait avouer que cela lui brûlait la gorge et que cela lui tordait les tripes. C'était chippé, donc c'était bon. C'était même délicieux. Esquis. Il n'en fallait pas perdre une goutte. Il y a ce côté très fort dans le livre, enfin, qui moi m'a fait rire et en même temps m'a impressionné, qui est cette scission des religions entre les deux patelins. Absolument. Où il y a le patelin catholique et puis le patelin qui est anticlérical. C'est un schéma que dans mon hameau, dans mon village, qu'on retrouvait. Il y avait à côté de Savomar, qui était le hameau dans lequel j'habitais, il y avait à côté Montérolier, un autre petit village, Mais à Montreuil, il y avait l'église, alors qu'à Savomar, il y avait qu'une espèce de chapelle en bois. Et les enfants de Savomar, c'est-à-dire que les enfants de mon école, on allait à pied à l'église de Montreuil. Et on avait droit à la messe une fois tous les 15 jours à Savomar. Enfin, et là aussi, il y avait comme une espèce de petite rivalité d'appartenance à ces deux villages différents, entre ceux de Montreuil et puis ceux de Savomar. Enfin, c'est très troublant. Moi, j'étais... Puis ça, ce sont des anecdotes, mais je te dis, j'ai pas... Ce livre, je le trouve absolument bouleversant. Magnifiquement écrit, mais bouleversant. Tu l'avais relu depuis tes 10 ans? Non. Non, j'en avais conservé un souvenir très, très ému, très... Mais je l'avais pas relu. Et ça a été un plaisir, une torture, c'était magnifique. C'était l'heure de l'entrée dans la cour de l'école ce vendredi matin. Parce qu'on s'est bien amusé hier tout de même. Tu sais, Tigibus a dégueulé tout le long du mur de Menlo en s'en retournant. Bon, c'est les cigares ou bien la goutte. Tout de même, quelle belle fête. Faudra tâcher de recommencer le mois prochain. Le samedi, on ne devait pas plus que le vendredi se rendre au gros buisson. Pourtant, Camus, le Braque, Tintin et la Crique, que l'ennui taraudait, résolurent, non point d'aller chercher Noise ou reconnaître l'ennemi, mais bien d'aller faire un petit tour à la cabane, la chère cabane qu'abritait le trésor, et où on était si tranquille. Et si bien pour faire la fête. Un cri de stupéfaction et d'horreur jaillit simultanément des quatre poitrines. Un cri épouvantable, déchirant, où il y avait de l'angoisse, de la terreur et de la rage. La cabane était dévastée, pillée, ravagée, anéantie. Mais comment ont-ils bien pu la trouver, les salauds? C'est pas possible, on leur a dit. Tu crois? Mais qui? Y aurait donc un traître? Nom de Dieu, rugit la Crique. Oui, il y a un traître et je le connais, le salaud, je sais qui c'est. Et qui? Interrogea Camus. Bacaillé, pardi. Et par le même chemin qu'ils étaient venus, ils rentrèrent au village après avoir, d'un commun accord, pris de sévères dispositions pour le lendemain. Si on allait faire un tour à la cabane, proposa insidieusement la Crique, le dimanche après vêpres, quand tous ses camarades furent réunis sous l'auvent de l'abreuvoir autour du général. On sortait du bois, on allait arriver, on s'engageait dans les chemins creux. « Oh, nom de Dieu !» s'exclama le Braque, s'arrêtant, jouant la rage et la surprise. Il y eut un vacarme effroyable de cris, de bousculades pour voir plus vite. Et ce fut bientôt un concert farouche de malédictions. « c'est pas possible qu'ils aient réussi à trouver notre cabane, c'est pas possible, on leur a dit. Il y a un traître ici. Regardez, et vous le verrez, le traître, » reprit le Braque, fixant Bacaillé de ses yeux de loup. « Oh, c'est pas vrai, balbutia le bancal qui rougissait, blêmissait, verdissait, tremblait devant cette accusation muette. Vous voyez bien qu'il se dénonce tout seul, le traître. Là, le voyez-vous » Une houle de poings se tendirent vers Bacaillé. Comprenant qu'il n'avait pas de pitié à attendre, et sentant venir l'heure des expiations suprêmes, il eut une révolte désespérée et terrible et essaya de ruer, de se débattre et de mordre. « Messieurs, reprit le Braque solennel, voici un traître, et nous allons le juger et l'exécuter sans rémission. »« Sans haine et sans crainte, » redressa la Crique, qui se remémorait des lambeaux de phrases d'instruction civique. « On va d'abord lui nettoyer tous ses boutons. Oh, mes habits du dimanche sont sautés à le prisonnier. Je veux pas, je le dirai à nos gens. » On ligota Bacaillé, nu, sur les planches de la table démolie, un à un, la baguette de coudre à la main, les 40 longes vernes défilèrent devant lui et lui crachèrent sur le dos, sur les reins, sur les cuisses, sur tout le corps, en signe de mépris et de dégoût. Et Bacaillé, dépêtré de ses liens, les fesses en sang, la face congestionnée, les yeux révulsés d'horreur, reçut en pleine figure les paquets malodorants qu'étaient ses habits, cependant que toute l'armée, suivant ses chefs, l'abandonnait à son sort. J'ai appris à lire quand Planchon m'a parlé de Shakespeare, que j'ai lu Shakespeare. En fait, j'ai appris à lire avec Shakespeare. J'ai appris à saisir une pensée, un rythme, une musicalité, un plaisir du mot, enfin bref. Sinon, avant, je ne savais que déchiffrer. C'est pour ça que ce livre a été tellement important, c'est qu'au-delà des mots déchiffrés, il y avait des émotions qui passaient chez moi. Enfin, sinon, je ne savais pas ça. Puis j'étais un enfant qui était... Et par l'éducation que j'avais reçue, j'avais un père qui lisait beaucoup, donc je lisais très peu. Par réaction, puis aussi par... sûrement par ignorance, et puis par désinvolture, aussi par paresse. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'accumuler. Mais le privilège de la lecture, je l'ai découvert à 17 ans, quand je commençais à faire du théâtre. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je suis sûr que... cette grande mélancolie que m'avait laissé le livre, enfin, qui vivait en moi, c'est... Cette mélancolie de l'enfance, c'est sûrement une des raisons très profondes pour lesquelles je fais l'acteur. Et quand on fait appel à ces sensations enfantines, Ce sont des sensations graves, profondes, d'instinct poétique pur, enfin. Et je dis pas ça de façon mièvre. Hein. Je crois qu'on peut devenir de temps en temps un acteur intéressant. Je crois que ça, un livre peut changer une vie, ou pour déterminer une vie. Enfin, je suis sûr, je sens ça. Je suis pas sûr de ça, je sens ça. Et on peut le savoir que plus tard, comme avec le temps, c'est avec le temps qu'on s'aperçoit qu'on est une destinée, on s'aperçoit avec le temps aussi que certains livres ont été majeurs pour soi, et on ne le savait pas. On le découvre, ou on ne le découvre pas. Enfin, moi j'ai eu cette chance. La population de Longeverne se récréant ou se reposant fut tout d'un coup attirée, aspirée devrait-on dire, au milieu de la rue par des cris épouvantables, par des râles qui n'avaient plus rien d'humain, d'un malheureux qui est à bout, qui va tomber, rendre l'âme. Et chacun, les yeux arrondis d'angoisse, se demandait ce qu'il avait. Bacaillé avait les fesses rouges de sang, des rigoles de crachats lui descendaient le long des cuisses. Ses yeux chavirés n'avaient plus de larmes. Ses cheveux étaient tout droits et agglutinés comme les poils d'un hérisson. Il dit tout, il vendit tous les secrets de l'armée Longeverne, les batailles, les boutons chipés, la noce, la goutte, le vin, les pommes et le sucre volé, les chants obscènes, les dégueulades au retour, tout, tout, tout, tout. Il se dégonfla, se vida, se vengea et s'endormit là-dessus avec la fièvre et le cauchemar. « Les voici !» annonça la mère Camus du haut de sa levée de grange, la main en abat-jour sur ses yeux. Et bientôt, de tous les coins, sur tous les seuils, on vit surgir des mamans ou des papas, élant à haute voix leur fils, et le priant de rentrer immédiatement. De toutes les maisons du village, des cris, des hurlements, des vociférations, des râles, mêlés à des coups de pied claquants, à des tonnerres de chaises et de meubles s'écroulant, se mariaient à des jappements épouvantés de chiens se sauvant pour le plus effroyable charivari qu'oreille humaine pût rêver. Toute l'armée Longeverne, du général au plus humble soldat, du plus grand au plus petit, tous recevaient la pile paternelle. Sous la pression de la poigne toute puissante et des irrésistibles arguments qui sont des coups de pied au cul bien appliqués, la promesse de ne plus se battre avec les Vélerans avait été arrachée. Et puis, on apprit que Bacaillé s'était levé, et la tension diminua. Tout de même, des parents comme les nôtres, c'est pas rigolo. Ils sont charognes, au fond. Tout comme si eux, ils n'en avaient pas fait autant, dit Lebrac. Ils se figurent maintenant qu'ils nous ont bien tanné la peau, que tout est passé. Non, mais des fois, est-ce qu'ils nous prennent pour des cons? On les retrouvera, les autres, hein? On recommence. Tout de même, bon Dieu, qu'il y a pitié aux enfants d'avoir des pères et mères. Un long silence suivit cette réflexion. Et, comme on redescendait entre les buissons de la Saute, la crique, très émue, plein de la mélancolie de la neige prochaine, et peut-être aussi du pressentiment des illusions perdues, laissa tomber ces mots, dire que, quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes qu'eux. Il y a un plaisir sensuel aussi, du toucher, des livres en général. J'ai jamais bien compris pourquoi je... par exemple, j'ai vu des images, enfin, c'est surtout des images de fascisme, où les gens brûlent les livres. Pour moi, c'est comme un peu brûler des êtres, brûler des pensées, enfin, c'est des choses terribles, quoi. Première lecture, lecture d'enfance. Extrait de La guerre des boutons de Louis Pergaud par Jean-Michel Dupuis. Gérard Servet, Sylvain Jaffré, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Thank you.